une patois, monsieur, du plus déjà. Et alors, année je le 12 juin 1994. Donc, vous avez 86 ans le 12 juin. Alors, par les festes de Saint-Marc, 20 jours avant la fête, le matin, vers les 26 heures, passava il tambour e me la flûte e faien tutto il tour dei villaggi e per annunciare la festa. Dunque, la veglia di San Mar, che era il 25 d'abril, lì vi è il fuoco alla cappella di San Mar, ma avant, allora, lì vi è, monsieur le curé, di un tempo, anava a venire il fuoco e quando avviene venire il fuoco andava a donare la benedizione, andava all'eglise. E il giorno di San Mar, il mattino, la flûte, ma il tamburo passava mai e la musica si rendeva davanti e faceva lo bado, o medo e o consigliere. E après, non so mai di tutto, guarda. E après allora montavo alla cappella e me lo tambour e portavo in casa lo sangue in avion all'iglesia e portavo lo sangue giusto di un tempo lo portavo alla cappella ma après lo quitavo in una remise che lì avevano di montare alla cuola après montavo in damont faillant tresco l'autour de Saint-Marc, en cantant Grand Saint-Marc, rentravo, monsieur le curé donava de faillir la messe. Après, quand la messe era finita, le maire et les conseillers venaient s'arrêter monsieur le curé et andava un déjeuner. Et à que déjeuner, era dernier la cappelle et faillant sur l'herbe, le déjeuner era gratuit. À qui l'ivier des pains, des radis, des saucissons, des jambons crus, des fromages de gruyère, des jambons crus, l'ivier de tout. Après, dit Chendiermaï, faillant une danse devant la cappelle. Et puis, dit Chendiermaï, prenant le sang, et en descendant et en montant, faillant la bénédiction des fruits de la terre. E in discendente allora andavo mai all'eglise, chitavo lo sangue e di un tempo, allora, che ero cane di giugno, donavo lo pen benì e mettevo un so o due in assietto di San Mar. E poi après, donavo la benedizione, ma per le persone che potevano pas andare alla cappella e allora andavo a assistere alla benedizione. Après il mondo di Navo, il primo giorno, lì vi è le Dieu, e poi après lì vi è le bal, e va qui come si completava la festa di San Marco. Je vous remercie. Dans votre jeunesse, est-ce que vous vous rappelez les fêtes traditionnelles, les communions, comment ça se passait? Vous pouvez me donner un petit peu des détails oui, sur c'était... votre jeunesse, la vôtre? Eh bien, c'était pas comme maintenant. Maintenant, et autrefois, quand il y a des pigeons, il fallait convenir. Nous lavavons souvent le soir, parce que le matin, nous ne bagnavons pas la bouche, et on avait convenir, mais on avait convenir, comme il faut. Faisons pas comme avant. Vous vous dites comme faire avant. Et est-ce qu'il y avait, par exemple, lorsqu'il y avait des fêtes familiale, des gens qui comptaient des légendes ou... Ah oui, oui. Est-ce que vous connaissez une légende qui se transmettait, par exemple? Ah, de ça. Ah, comme ça, il n'y en a plus, alors. Autrement, il y a une qui lui dit à le père Rodon, oui. Qui est à Saint-Marc, à la cappelle, à qui il dit toujours qu'au carré. Il parlait d'un cas qui avait passé à la cantonnière, mais il ne se plus de rien, d'accord? Il ne se pas, parce que c'est vieille. Et les veillées, il y avait des veillées. Ah, les veillades. Vous pouvez alors, parler des veillées. Les veillades, dit le stade de ma mère, nous avions quatre, une enfant et une trois filles, mais ma soeur avait 10 ans de m'accueillir au Créon en 1984, et le dimanche soir, venait. Et veillavons, et cantavam, s'amusavam, como a fau. E fazia que ma mère, avant que ça ne se couche, cantasse toujours assim. Vous ne vous souvenez pas d'une chanson que votre maman vous aurait chantée? Chantée, elle cantava mignon. Vous vous rappelez un petit peu les paroles? Je l'ai encore à la maison. Vous pourriez me la rechercher éventuellement? Ma foi, peut-être. Peut-être. Hein, ce serait très très bien. Je viendrai la récupérer quand vous voudrez. Oui. Hein, oui. Voilà. Alors l'éveillé, vous m'en parlez encore si alors, vous avez encore des... Alors l'éveillé, s'amusait quand elle la castagnade. Faisait la castagnade, faisait les crespeaux, faisait les ganses. Et s'amusait tout en famille. Une occasion que va, se fait plus. Qu'est-ce que c'était les ganses? Et les merveilles. C'était des beignets. Les beignets, oui, les beignets, les... Vous rappelez la recette, par exemple? Comment on les faisait? Ah, les beignets, on mettait une veille d'aigle, une étoile de farine et deux œufs. Alors, mettait une veille d'aigle d'un poêle sur le feu, quand l'aigle bouillait, eh bien, il mettait une petite goutte d'aigle par rasta. L'ébullition, après ils mettaient la farine d'un coup et qui ne faisait pas de grumeaux, et on me mettait après, ben, viravo, et quand elle est cuite, je faisais que, et me le cuillais, faisais que la pâte se destaquait de l'eau. Et après, la laissais refroidir, et quand elle lui mettait les deux œufs, et passait sur Mayako, et voilà. Après, je mettais une sartan et mes dori, et quand l'ori est bien bouillant, je mettais encore.